Chapitre 6e. Victor Hubert s'éveilla, le lendemain, brisé après une nuit de fièvre. Il avait eu des rêves anxieux. Un cauchemar lui montrait comme une vaste lézarde s'ouvrant partout et devenant un gouffre où tombaient tour à tour Guillemard, Geneviève, André, Louis et lui-même. Il n'avait qu'une pensée en revenant à lui, en reprenant ses sens et la perception nette de la situation. Maintenant, il faut parler. Et c'était le jour même où il avait caché le testament nouveau qu'il fallait tout dire. L'acte commis tombait droit sous l'article 380 alinéa 2 du code pénal. Peut-être, cependant, le délit pouvait-il être effacé. Victor, à la première inquiétude de Guillemard, voulait en finir avec toute capitulation de conscience. « Il y a péril, il faut parler. » C'était l'idée unique de son réveil. Il se répétait ce mot d'ordre. Avec des effrois terribles, il songeait qu'il allait condamner Geneviève à la ruine, réduire André à l'état de fils en dot, mais il était là, le devoir. Il voulait d'ailleurs demander à André elle-même un peu de courage. Il voulait savoir si elle connaissait ce qu'il souffrait et si elle partageait son supplice. Souvent, devant lui, sa fille, cette vivante conscience de lui-même, paraissait gênée, troublée. Elle avait des sourires contraints qui, pour Hubert, étaient douloureux comme des reproches. Est-ce qu'elle avait lu le testament? Lorsqu'elle le lui avait tendu à Ville d'Avray, toute pâle, connaissait-elle ce coordonnée-là, l'oncle Ducret? En ne disant rien, avait-elle voulu attendre la décision de son père? Si elle a lu, songeait Hubert, elle sait que j'ai gardé ce qui n'était pas à moi. Épuisé par ce doute qui lui pesait au cœur comme un étouffement, Victor se fut décidé peut-être à tout dire, alors même que Guillemard n'eut pas, dans une minute d'angoisse, laissé échapper une involontaire confidence, déjà regrettée sans doute. Ce qu'avait dit Geneviève à Hubert, cette réponse d'André à sa belle-mère, ne me parlait plus d'Olivier, étonnait le père. Il était certain qu'elle aimait Olivier Giraud, et lorsque Geneviève lui laissait entendre qu'un mariage n'était pas impossible avec le jeune homme, pourquoi refusait-elle même d'écouter? Elle sait que la volonté de Ducret est que Raymond épouse Olivier. Elle le sait, elle sait tout, elle a lu. Mais alors, que pense-t-elle de moi, son père? Il le saurait bien, il était résolu à le savoir. Il se levait, décidé à livrer son secret à sa fille pour connaître le secret d'André. Il demanda à la vieille Catherine si mademoiselle était levée. « Il y a longtemps, monsieur. Dites-lui que je veux lui parler. » En attendant sa fille, le malheureux homme, ému violemment, regardait sans les voir les passants de la rue à travers les vitres. Un léger bruit le fit retourner, souriante, jolie, avec ses yeux noirs, très doux pourtant, sous des cheveux blonds, André était debout devant lui. « Tu as quelque chose à me dire, cher père ?» Il lui prit les mains, l'attira à lui, l'embrassa, et l'amenant vers un fauteuil, assis à côté d'elle, il lui dit d'une voix qui tremblait un peu « Voyons, mon enfant, causons. Il s'agit ici pour moi de... oui, de te confesser, tout simplement. » Elle essayait de sourire encore, déjà un peu inquiète. « Te confesser, toi ? » dit-il en la caressant d'un regard où il y avait autant d'admiration que d'amour. Arraché du cœur de mon André un secret qu'elle cache par pudeur, par charité peut-être. C'est difficile. Tu m'aideras? Mais tu sais bien, père, répondit la jeune fille, que je n'ai ni secret ni chagrin, rien à cacher. Et lui, songeant qu'en effet il y a des êtres au monde qui n'ont rien à cacher à personne, changea de ton et presque brusquement. André, un malheur va peut-être arriver dans notre famille. Un malheur? Elle l'interrogeait de ses yeux effarés. « Inutile de te recommander un silence que je ne puis garder avec toi. Eh bien, ma pauvre enfant, j'ai peur d'une chose. J'ai peur que Guillemard ne soit engagé que des pertes considérables, une ruine. » Il te l'a dit? Non, mais il était assez inquiet cette nuit pour me l'avoir laissé deviner. Or, j'exagère peut-être, par crainte. Oui, certainement, j'exagère, mais enfin, si un malheur arrivait, si Guillemard était emporté... Si Raymond n'avait plus rien, Raymond, tout est possible. Eh bien, que ferais-tu? Demanda André, regardant son père en face. J'allais te le demander, répondit Hubert. Je ferais ce que tu me dirais de faire. Moi, pourquoi moi? André était aussi ému que lui. Parce que toi, mon André, tu as l'innocence, le devoir, le courage, la vraie loi, vois-tu, et que, sachant bien que tu es cela, le père fera ce que dira l'enfant. « Tout ce que je dirais ?» demanda encore André, dont la lèvre tremblait maintenant. « Tout, » dit le père fermement. Elle le contempla un moment et avec un élan, comme elle lui sautait au cou, elle s'écria « Ah, enfin !» Mais elle s'arrêta, redoutant de laisser voir au pauvre homme qu'elle connaissait son secret si affreusement douloureux. Ribert était là, ses prunelles pleines de fièvre et son pauvre visage miné. Elle lui dit, dans un doux sourire ineffable, tendrement, « Tu feras ce que tu voudras, père, et moi, je l'apprendrai. » Il la regardait lui aussi, se demandant pourquoi elle ne répondait pas plus nettement. Elle avait peur de le blesser, peut-être. Mais enfin André dit « Dis-moi. »« Mon père, » fit-elle encore, « je suis sûr de toi. Je ne dois pas même vouloir connaître tes agitations. Tu peux hésiter et tarder de résoudre, mais la vérité et l'honneur sont tes seuls maîtres, mon cher, bon et adoré père. Et tu n'as pas à consulter ma sagesse d'enfant. Va, le mieux à faire, je te le dis, c'est ce que tu feras. » Elle lui parlait avec la fermeté grave d'un fier conseiller. Elle lui disait tout sans rien lui dire, ne voulant pas même, devant sa propre conscience, juger cet homme qu'elle adorait. Mais cette admiration, cette adoration de la chère fille semblait à Ribert comme des reproches. Certes, ce qu'il faisait était bien fait, jadis. Toujours droit, toujours juste, mais à présent, le malheureux, mais à présent, le misérable. Tu aurais raison, André, dit-il éperdu, toute sa douleur éclatant dans un sanglot et le remords lui montant à la lèvre comme le sang d'une blessure intérieure. Oui, tu aurais raison, chère fille, si j'étais encore l'homme d'autrefois. Mais regarde-moi bien, bien en face, mon enfant. Me crois-tu toujours le même? Crois-tu que je n'ai pas failli? Toi? Elle posait violemment ses lèvres sur les joues du père. Tu ne me réponds pas? Crois-tu que ma conduite est irréprochable? Il cherchait la pensée de sa fille au fond de ses grands yeux. Tu as dit l'autre jour à Geneviève que tu ne voulais plus qu'on te parlât d'Olivier. Elle sentit en elle une douleur, puis, fermement, avec un effort sur elle-même, je l'ai dit. Pourquoi? Geneviève, avec une bonté dont j'ai senti tout le prix, une bonté de mère, Geneviève m'a offert de me donner à lui pour femme. Eh bien? André, blanche comme une morte, répondit bravement. Eh bien, je ne veux pas imposer ma dot à Olivier. Tu ne lui apporterais cependant que ce qui lui était destiné, dit Ribert, la voix sourde. Elle balbutia. Tu dis, qu'est-ce que tu dis? Alors, de la poitrine déchirée de ce père qui se redressa tout droit devant sa fille, un grand cri jaillit, un cri de naufragé voyant une voile, un cri d'être égaré retrouvant son chemin. Ah, misérable chose! Comme avec bonne foi, on devient aisément malhonnête, comme la conscience est accommodante. Le mal engendre le mal, et on le paye. L'heure arrive où tout se paye. M'y voilà, moi, m'y voilà donc. Il se parlait à lui-même, éperdu, mais avec un éclair dans le regard comme si sa résolution était prise. « Reviens à toi, père, » dit André effrayé. « Voyons, pourquoi as-tu parlé d'Olivier? Qu'est-ce qui lui était destiné? Dis. » « Ouvrons nos cœurs. Va, chère fille, » s'écria Ribert. « Il est impossible que je sois plus malheureux, et tu ne peux pas l'être davantage. Pauvre enfant, toi qui souffres autant que celui qui a fait le mal, qui le hait, ce mal, de toute l'horreur de ta droiture, et qui aime celui qui a commis une vilenie, et qui l'aimera toujours, n'est-ce pas, mon André? Dis-le-moi, que tu m'aimes, et que tu me pardonnes. » « Te pardonner quoi ? » demanda André, essayant de mentir. « Tu le sais bien, et tu m'as jugé. Te juger ? Juger mon père, moi ? Est-ce qu'à mes yeux il peut faillir? Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ne me dis rien. Je ne veux rien savoir. Je t'aime, et je t'aimerai toujours, toujours, toute ma vie. Mais ne me dis rien, ne me dis rien. » Il est trop tard, répondit Ribert. L'expression crispée de son visage faisait peur maintenant à André. Trop tard. Voilà longtemps que ce lâche silence me cloue la lèvre. Je ne peux plus te voler un respect qui m'écrase. Mon père. « Mon bon père !» Elle lui mettait sur la bouche sa main, et cette main, il l'écartait après l'avoir baisée. « Mais tu vois bien, » dit-il avec une sorte de violence, « que je souffrirai moins quand tu sauras ce que je souffre. Mes forces sont usées. Je suis vaincu. Cela m'étouffe. Si je me taisais, je mourrais. » Éperdue, elle criait « Parlez !» Et lui, d'une voix saccadée, fébrile, « Tu sais qu'il y a un deuxième testament, seul valable. » André baissait la tête. « Tu le sais, tu le savais. Eh bien, ma pauvre Andrée, le vieux Ducret, en l'écrivant, n'a pas douté un seul instant du consentement de Guillemard. On ne repousse pas des millions, même quand on en a tant, et surtout quand on est menacé d'en avoir moins. Guillemard offrira sa fille à Olivier, bah !» Andrée avait tressailli. « À Olivier ?» Elle se rappelait l'affreuse impression de sa lecture ce triste soir à Ville-d'Avray et la douleur qui l'avait alors poignardée. Olivier devait épouser Raymonde. Puisque c'est la condition, n'as-tu pas lu? Au contraire, elle la connaissait bien, cette condition qui lui avait tout d'abord paru une ironie atroce. Mais elle ne doutait pas qu'Olivier refusât une fortune, et elle avait encore dans son oreille cette voix mâle qu'il faisait presque suppliante en implorant l'ordre de rester. Qu'importe les fantaisies de l'oncle Ducret, dit-elle à son père. Il ne force pas, je pense, Olivier à épouser Raymonde. Cela dépend d'Olivier. Que fera-t-il, lui ? Une sérénité grave passa sur le doux visage d'Andrée. Je ne sais pas, mais je sais qu'il m'aime. Le père contemplait sa fille avec une sorte de respect et des larmes montaient à ses yeux. Il sentait, il devinait qu'en dépit de tout, eût-elle souffert jusque-là et souffert par lui, Andrée était heureuse du bonheur exquis de ceux qui sont aimés. De la joie rayonnait à travers sa tristesse. Et lui ? Lui, devant cet enfant, se sentait abaissé et misérable. « Vois-tu, Andrée, ce que j'ai fait ? Je souhaiterais de l'effacer par une longue vie d'expiation. Je te voulais une dot. Imbécile, comme si ta dot n'était pas ce que j'étais autrefois. La dot de la vieille, honnêteté laborieuse, accrue jusque-là lentement par un travail de tous les jours. Ah, cette dot-là, comme je l'ai gaspillée, gâchée maintenant par mon crime. Si tu veux rester digne d'Olivier, comme il est digne de toi, tu peux lui dire que tu es plus pauvre que la plus pauvre, puisque chez nous il n'y a plus notre vieille épargne d'honneur. » Andrée écoutait avec angoisse le malheureux qui parlait là, portant le deuil de sa probité bourgeoise avec l'amère fierté d'un gentilhomme rencontrant une souillure à son blason. Une éloquence hautaine venait à se martyr de sa propre faute, humiliant sa paternité devant l'enfant dont il faisait son juge. Mais elle, cependant à lui, attirant sur son cœur le malheureux, le suppliait tout bas de se taire, lui demandait grâce pour elle-même, voulait étouffer cet aveu, ces cris de douleur, cette confession, sous des baisers qui étaient une absolution et une prière. « Grâce, mon père, je vous en prie, taisez-vous, tais-toi, je t'en supplie, tais-toi. » Et pendant que ces deux êtres, que l'affection unissait, se tenaient là, embrassés, lui, âprement heureux de s'accuser devant elle comme il se fût labouré ou flagellé la chair pour se punir, elle, peureuse, effrayée de ce désespoir, la porte du salon s'ouvrait lentement. Olivier entrait avec précaution, comme s'il eût redouté de trouver Ribert endormi et souffrant, et voyant ce père exalté dans sa douleur, et la jeune fille essayant de le consoler à travers ses propres larmes, il s'arrêta un moment, hésitant, debout au seuil du salon, se demandant s'il allait entrer. Dans un cri suprême, dans un dernier déchirement, Victor serra Andrée dans ses bras, promenait ses lèvres qui brûlaient sur les cheveux blonds de sa fille, riant, pleurant, ne sachant plus ce qu'il disait. « Alors tu m'aimes encore, Andrée? Tu me pardonnes? Je vous adore, père, je vous vénère. Et comprends bien, pauvre chère petite, j'ai dissimulé un testament, Andrée, tu le sais, j'ai frustré la légataire réelle, je l'ai fait pour toi. Pour Geneviève. Ah, c'est à genoux que je voudrais te demander pardon, pardon, pardon, ma fille. » Elle l'empêchait, le prenant dans ses bras, de s'agenouiller devant elle, et Olivier restait là, le connaissant maintenant, ce secret des tristesses d'Andrée et des souffrances du père. « J'ai fait cela, oui, j'ai fait cela, » répétait Ribert avec cette rage de s'accuser tout haut, qui est comme une première expiation imposée à l'orgueil. Et j'ai tué ton bonheur, et je t'ai séparé d'Olivier, car le jour où un homme comme lui saura la vérité, tout sera fini. Qu'en savez-vous ? Dit brusquement Olivier, qui s'avança hardiment de deux pas. Andrée s'était dégagée des bras de son père, regardant Olivier d'un air terrifié. La voix vibrante du jeune homme avait, comme un coup de clairon, fait tressaillir Ribert. Olivier, grave, regardait tour à tour Andrée avec tendresse et Victor avec respect. « Vous avez entendu ? Balbutia la jeune fille. Olivier s'inclina. « Pardonnez-moi. »« Lui, tant mieux, » dit Ribert, dont la voix retentissait comme celle du jeune homme. « Ce qui nous restait à dire, il l'entendra. Ce n'est plus seulement ton arrêt que j'attendrai, c'est le sien. »« Mon arrêt ?» demanda André. « Tes ordres. »« Eh bien, » dit André fermement, « il faut faire ce que, pour ma mère et pour moi, vous avez ajourné jusqu'ici. Il y a un second testament qui annule celui qui nous enrichissait. Il faut faire connaître le vrai testament. » « Je vais le faire connaître, » répondit Ribert simplement. Il sentit que la main d'Olivier cherchait la sienne, la serrait, et tout un remerciement passait dans cette pression muette. Alors, la fièvre empourprant le visage de cet homme, mais une fièvre de joie et de fierté. « Ah, le devoir ! Le voilà, je l'ai trouvé, je respire !» Et il se tourna vers Olivier, lui disant avec un sourire d'affection paternelle, « Avoueras-tu que tu aimes André à présent ?» Un éclair passait dans les yeux d'Olivier. Il regardait Ribert avec des envies de lui sauter au cou. André, tout à coup, dit fermement, « Taisez-vous, mon père. Monsieur Giraud sait-il ce qu'il concerne dans les volontés du testateur ?»« Ce qui me concerne ?» Olivier avait dit cela lentement, très surpris. « Monsieur Giraud, » dit André, « parlera quand il connaîtra ses volontés. » Elle ajouta le front haut, « Et les miennes ?» Ribert s'était tourné vers Olivier. « À bientôt, mon enfant, » dit-il. « Vous saurez quelles sont les volontés de Ducray. » Le jeune homme eut comme un frisson. « Et vous répondrez, vous, quand moi j'aurai fait mon devoir. Ce ne sera pas long. » Olivier mit doucement un doigt sur ses lèvres. Il apercevait par la porte entr'ouverte le docteur Loraux. « Le docteur, monsieur Ribert. » Le médecin entrait, saluait, disait en se frottant les mains, « C'est parfaitement moi. » Puis allant à Ribert et le regardant entre les deux yeux, « Bonjour, malade imaginaire. Comment sommes-nous ? » Il lui prenait le pouls, hochait la tête, souriait. « Eh bien, ce ne sera rien, je vous l'ai toujours dit. »« Moi aussi maintenant, docteur, » dit Olivier qui souriait à Ribert. « Je crois que ce ne sera rien. » »« Et moi, j'en suis sûr, » dit André, heureuse. Le docteur regardait ce jeune homme, cette jeune fille, devinant l'amour, les projets, les rêves. Il répéta. « Vous avez raison, bien raison. » Et il songeait, examinant Ribert. « Ah, pauvres enfants !»